tu me fais rire. Toi et tes conseils de bon sens, n'as-tu pas vu l'aisance avec laquelle ils franchirent l'Everest qui sépare nos deux îles? 4 heures de flottille, ça fait peur, mais ça reste un yacht en bois de manguier, poussé par deux moteurs de poupée, un vaisseau confort complet. Accoudoir dans la mer, repose tête dans le ciel. Je rêvais mieux en arc-en-ciel pour passer d'un monde à l'autre. Je me souviens pas bien de mes autres. J'étais môme. Passer ce bras de mer, moribond d'ailleurs, j'ai le mal de mer. Ici c'est chez moi ceci, et mon toit aujourd'hui choisis ça, et demain on verra. Je lui mettrai des claques, c'est sûr. Le double droit du sol, a-t-il peur qu'on le vole? Un visa d'entrée à s'arracher d'arrache-pied. Je mets les pieds dans le plat trop noyé. En quoi ça? Ils se font leur business, et c'est là que le bas blesse. Pour pas se faire choper, ils jettent leurs passagers par-dessus bord. Passe-temps, tu rigoles, l'autre sur ton cristal, je l'ai laissé au port pour le récupérer. À Moroni, qu'est-ce qu'on se poile pour l'entrée? Y'a un tapis, l'accueil sera triomphal. Ok, j'irai pendant les vacances, et si j'y pense, j't'enverrai ma requête. Heureusement, cette année, y'a l'assurance du retour à contresens grâce au laisser-passer. Mais je ne peux pas passer ce bras de mer moribond ou alors par les airs. Ici c'est chez moi ceci et mon toit. Aujourd'hui choisis ça et demain on verra. Grâce à toi et tes collègues, je pourrais passer mon brevet. Juste un dernier service, et je te donne congé. Faut parler nos histoires, qu'on y soit plus étrangers.